Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Alors, je vais parler de l'hôpital, toujours, l'hôpital en crise. Tout d'abord, vous lire un communiqué de différentes organisations, je ne vais pas toutes les citer, hein, et il y a pratiquement toutes les organisations, sauf syndicales, et associative, sauf la CFDT. Voilà, les collectifs interblocs, interurgences, interhôpitaux, et les associations, Printemps de la psychiatrie et Coordination nationale des comités de défense des maternités et des hôpitaux de proximité, ainsi que les organisations syndicales représentatives, médicales et paramédicales, AMUF, APH, CFE-CGC, CFTC, CFDT, si CFDT est parmi les organisations, CGT, Sud, UNSA, qui réagissent ensemble aux annonces faites ce matin par le Premier ministre. C'est donc la semaine dernière. Il note que pour la première fois, le gouvernement, à son plus haut niveau, réagit à une mobilisation qui a débuté il y a plusieurs mois dans les services d'urgence et qui s'est étendue à l'ensemble de l'hôpital et des établissements médico-sociaux et sociaux, touchant l'ensemble des catégories professionnelles. Elle considère que ces annonces sont très loin de répondre aux attentes des personnels, dont nous rappelons, disent ces organisations, les revendications. Renforcement des moyens financiers significativement pour les établissements, ce qui se passe par une revalorisation de l'ONDAM, hein, c'est le budget de l'assurance maladie, d'au moins 4% dans le cadre du projet de loi de finances et de la sécurité sociale. Recrutement de professionnels supplémentaires immédiatement et plan de formation pluridisciplinaire. Revalorisation générale des salaires et reconnaissance des qualifications des professions. Arrêt de toutes les fermetures d'établissements de services. Réouverture de lits là où c'est nécessaire, à la hauteur des besoins de la population. Réouverture des structures ambulatoires pour la psychiatrie. C'est-à-dire, structure ambulatoire, ça veut dire des hébergements de jour, enfin des soins de jour. De réelles mesures qui garantissent l'accès, la proximité et l'égalité de prise en charge pour la population sur tout le territoire. Nous exigeons, dit ce collectif, de véritables négociations et d'être reçus par le président de la République et le Premier ministre pour sortir de la crise actuelle. Nous poursuivons ensemble la mobilisation et réaffirmons aujourd'hui notre volonté et détermination d'avancer tous ensemble dans le but commun de défendre les conditions de travail de nos collègues et d'assurer la qualité et la sécurité des soins de nos patients. Voilà, c'était un appel en même temps pour le samedi 30 novembre, hein, c'est bientôt, autour d'initiatives et d'actions de sensibilisation des professionnels, des patients et de leurs familles, dans et autour des établissements. Voilà, et puis le mardi 17 décembre, il y aura encore une journée nationale de grève et de manifestation, sans compter celle qui arrive le 5 décembre. Je crois que là, on a rarement vu de telles mobilisations, surtout dans le monde hospitalier. Et puis je voudrais revenir aussi sur l'intervention du président d'ADEMAT-H pour les orientations futures donc de cette importante association, puisqu'elle regroupe 2400 adhérents, enfin de personnes qui ont adhéré à un moment ou à un autre. Nous faisons le constat du poids insuffisant des élus et de la population qui s'expriment d'une manière ou d'une autre pour infléchir les décisions et orientations souvent prises bien loin de nos territoires de vie. Au lieu d'agir, nous subissons, et quand nous agissons, nous subissons encore le mépris ou l'absence de réaction concrète. Cela a été particulièrement manifeste tout au long du mouvement des Gilets jaunes qui, dans les Vosges, ont porté la revendication de la défense des hôpitaux. Et depuis plus de 6 mois de l'absence de réponse de bon niveau aux problèmes de services des urgences qui sont en grève. Pour autant, la santé concerne tout le monde et c'est sans doute la raison qui rend la grève des urgentistes et l'action de défense des hôpitaux si populaires. Il nous faut donc encore travailler, ne pas renoncer, continuer à sensibiliser et construire de nouvelles façons de travailler ensemble dans les territoires et entre les territoires. Les élus perdent beaucoup d'énergie à essayer d'exister en prenant des initiatives isolées qui leur donnent l'illusion de pouvoir faire bouger les lignes. Ils ne sont pas assez rassemblés sur des objectifs communs, ni assez collectifs dans la manière de les atteindre. La société civile, dont notre association, ADEMAT-H, fait partie, est étiquetée et cantonnée dans des couloirs bien séparés. Il nous faut donc faire sauter ces barrières et poursuivre l'information, la formation et l'acculturation à la maturité coopérative. Pour peser, il nous faut donc réactualiser ensemble le diagnostic, le faire partager et proposer ensemble un véritable projet territorial de santé qui intègre non seulement des objectifs sanitaires, hospitaliers, de santé publique, mais aussi des ambitions de prise en compte des problématiques de santé mentale, de bien-être, de résistance aux pollutions, d'engagement de notre territoire de moyenne montagne dans la construction des transitions sociales et environnementales désormais incontournables. Non seulement nous voulons des coquelicots, mais nous voulons manger mieux, continuer à nous soigner correctement, sans risque supplémentaire, mais aussi accompagner tous les changements nécessaires dans l'agriculture, dans l'alimentation, dans le droit de vivre plus longtemps dans la dignité, dans l'amélioration des mobilités et de l'accessibilité aux services et aux biens communs, dans le respect et la valorisation de notre cadre de vie. Nous ne pensons pas que tout est réglé avec le rapport du président du département. Nous ne pensons pas que différer la mise en application du deuxième volet du plan de performance après les municipales supprimera la volonté de réduire les moyens de 25 millions. 25 millions d'euros, bien entendu, avec 250 postes en moins dans les deux hôpitaux d'Épinal et d'Ormiremont. Nous ne pensons pas que le président de la République ait réellement entendu la colère, que le Premier ministre a réellement entendu, que le président avait entendu, et que les mesures annoncées seront à la hauteur, voire même réellement mises en œuvre dans les faits. Nous ne sommes pas désespérés, nous sommes convaincus qu'il nous faut garder les manches retroussées et nous atteler nous-mêmes. Nous allons proposer aux futurs élus qui n'ont aucune obligation d'installer un conseil de développement de leur communauté de communes ou dans le périmètre du parc, que nous prenons l'initiative d'en installer un et d'agréger autour de nous les bonnes volontés des conseils de développement existants pour construire un projet territorial dans lequel la santé sera la priorité. Nous proposerons aux élus de délibérer le moment venu sur le contenu de ce projet auquel ils auront pu travailler avec nous. Mais nous n'attendrons plus qu'il soit prêt. Si l'AG nous en donne la possibilité, nous nous y attellerons dans les semaines qui viennent. Nous ne voulons plus subir, nous voulons agir. Voilà, c'était une note préparatoire donc, à l'AG de ADEMAT qui a eu lieu vendredi dernier. Alors, bien sûr, cette résolution a été votée à la quasi-unanimité, il n'y a eu qu'une abstention pour ne pas voter cette résolution parmi les 160 ou 180 membres qui étaient présents d'ADEMAT-H, hein, présents ou représentés. Voilà, voilà ce qu'il fallait dire quand même. Je voulais, au cours de cet édito, de cette chronique, Donc, vous rappelez quand même différents communiqués, parce que je crois que les problèmes de santé deviennent particulièrement urgents. Hein. J'ai encore à l'esprit un témoignage d'une dame de Tiefos qui a dû attendre pendant des heures et des heures, alors qu'elle souffrait, sur un brancard dans les couloirs de l'hôpital aux urgences. Voilà, ça ne s'améliore pas, loin s'en faut, hein, ça se dégrade plutôt. Et ce n'est pas les mesures qui ont été préconisées, enfin qui sont annoncées, qui ont été annoncées par le Premier ministre, le président de la République, que pour autant puissent résoudre les problèmes aujourd'hui. Ils résoudront peut-être une partie des problèmes de la région parisienne, mais dans nos territoires, je crois qu'on est de plus en plus délaissés. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.